dedans une nuit obscure, enflammée d'un amour inquiet. Heureuse fortune, je suis sorti sans être aperçu lorsque ma maison est si tranquille. Étant assuré et déguisé, je suis sorti par un degré secret. Heureuse fortune, et étant bien caché dans les ténèbres, lorsque ma maison était tranquille. Pendant cette heureuse nuit, je suis sorti en ce lieu secret. Personne ne me voyait, ou je ne voyais rien sans autre guide et sans autre lumière que celle qui luisait dans mon cœur. Elle me conduisait plus sûrement que la lumière de midi, au lieu où celui qui me connaît très bien m'attendait, où personne ne paraissait. Au nuit qui m'a conduite, au nuit plus aimable que l'aurore, au nuit qui a uni le bien-aimé avec la bien-aimée, en transformant l'amante en son bien-aimé. Elle dort tranquille dans mon sein qui est plein de fleurs, et je garde tout entier pour elle seule. Je la chérisse et le rafraîchisse avec une éventail de cèdre. Lorsque le vent de l'aurore faisait voler ses cheveux, elle m'a frappé le cou avec sa main douce et paisible, et elle a suspendu toutes mes sens. En me délassant, en m'oubliant moi-même, j'ai penché mon visage sur mon bien-aimé. Toute chose est une perte pour moi. Je me suis quitté et abandonné moi-même, en me délivrant de tout soin entre les nids blancs. Pendant une nuit obscure, enflammée d'un amour inquiet, heureuse fortune, je suis sorti sans être aperçu lorsque ma maison est si tranquille, tant est si tranquille, tant est si tranquille, tant est si tranquille, tant est si tranquille. Étant assuré et déguisé, je suis sorti par un degré secret. Heureuse fortune, et étant bien caché dans les ténèbres, lorsque ma maison était tranquille. Pendant cette heureuse nuit, je suis sorti en ce lieu secret. Personne ne me voyait, ou je ne voyais rien sans autre guide et sans autre lumière que celle qui luisait dans mon cœur. Elle me conduisait plus sûrement que la lumière du midi, au lieu où celui qui me connaît très bien m'attendait, où personne ne paraissait. Au lui qui m'a conduite, au lui plus aimable que l'aurore, au lui qui a uni le bien-aimé avec la bien-aimée, en transformant l'amante en son bien-aimé, en son bien-aimé, en son bien-aimé, en son bien-aimé. Elle dort tranquille dans mon sein qui est plein de fleurs, et je garde tout entier pour elle seule. Je la chérisse et le rafraîchisse avec une éventail de cèdre. Lorsque le vent de l'aurore faisait voler ses cheveux, elle m'a frappé le cou avec sa main douce et paisible, et elle a suspendu toutes mes sens. En me délassant, en m'oubliant moi-même, j'ai penché mon visage sur mon bien-aimé. Toute chose est une peine pour moi. Je me suis quitté et abandonné moi-même, en me délivrant de tout soin entre les nids blancs. Pendant une nuit obscure, Flammée d'un amour inquiet, aux lourdes fortunes, je suis sorti sans être aperçu, lorsque ma maison est si tranquille, étant assurée et déguisée, je suis sorti par un degré secret, aux lourdes fortunes, et étant bien caché dans les ténèbres, lorsque ma maison es-tu tranquille? Es-tu tranquille? Es-tu tranquille? Es-tu tranquille? Pendant cette heureuse nuit, je suis sorti en ce lieu secret où personne ne me voyait, où je ne voyais rien sans autre guide et sans autre lumière que celle qui luisait dans mon cœur. Elle me conduisait plus sûrement que la lumière du midi, où celui qui me connaît très bien m'attendait, où personne ne paraissait. Au lui qui m'a conduite, au lui plus aimable que le rôle, au lui qui a uni le bien-aimé avec la bien-aimée, en transformant de la morte en son bien-aimé. Elle dort tranquille dans mon sein qui est plein de fleurs, et je garde tout entier pour elle seule. Je la chérisse et le rafraîchisse avec une éventail de cèdre, loin de cèdre, loin de cèdre, loin de cèdre. Lorsque le vent de l'aurore faisait voler ses cheveux, elle m'a frappé le cou avec sa main douce et paisible, et elle a suspendu toutes mes sens. Délaçant, en m'oubliant moi-même, je penche mon visage sur mon bien-aimé. Toute chose est perdue pour moi. Je me suis quitté et abandonné moi-même, en me délivrant de tout soin entre les libres.